une histoire particulière. Il est l'heure de vous retrouver ce dimanche pour le second épisode de notre histoire particulière. Hier, Michel Pomared et François Test nous ont fait revenir au phare de Thévenec. Nous avons bravé les embruns et fait la connaissance de Michel Pouinec, cet ancien gardien de phare. Et plus que cela, il est l'arrière-arrière-petit-fils de Corentin Coquet. Originaire de Roscoff, le gardien de phare Corentin Coquet séjourna à Thévenec pendant 15 ans, de 1881 à 1896. Un record. Le feu, comme on dit, fut allumé le 15 mars 1875. L'enfer sera habité par 23 gardiens avant d'être automatisé en 1910. Il faut dire que la solitude y est, paraît-il, insupportable. Tout de suite, le second épisode. Le 27 février 2016. L'hélicoptère s'arrache du sol dans un sifflement de turbine. Les derniers moments, accompagnés de proches, d'amis, de curieux, s'éternisent toujours comme pour exorciser l'instant attendu. Quand je pense à toute cette organisation pour en arriver là, les aides et coups de main des membres de l'association, mon frère présent pour l'embarquement du matériel lors des diverses rotations, les encouragements de ceux qui soutiennent vraiment, la curiosité de ceux qui ne croyaient pas que je partirais, et le doute malveillant des jaloux. Oui, je suis bel et bien parti. Plein feu sur le phare de Thévenec. Michel Pomared, François Test. Deuxième partie. Bientôt, une résidence d'artistes. Le soir tombe vite. Tout est à retrouver dans ces cartons et sacs empilés. J'arrange au mieux ma pièce jusque tard dans la nuit. Ce n'est pas parfait, mais bon pour le moral de se sentir un peu installé. Et puis l'agitation chasse les pensées. En 2016, Marc Pointu a passé 69 jours sur le phare de Thévenec. Pendant 69 jours, il a tenu un journal de bord. Depuis, il n'a qu'un rêve, rénover le phare, pour le transformer en résidence, pour que des écrivains, des poètes ou des peintres séjournent et créent en pleine mer. Brigitte Conant, vous êtes artiste peintre ici à Saint. On est sur votre porte-fenêtre, on a ouvert la fenêtre. Et dans la direction de mon bras, qu'est-ce qu'on voit ? Et on voit le phare de Thévenec. Ici, c'est une petite maison posée sur un rocher. En fait, moi, que j'ai l'occasion de voir évidemment régulièrement, par tous les temps, et notamment par tempête. Et je fais également de la photo, notamment de vagues et animalières. Et donc, avec mon objectif, j'arrive à faire des photos assez près de Thévenec avec les vagues. Qu'est-ce que vous voyez à travers votre objectif ? L'écume qui arrive sur Thévenec et... Et le phare au loin, en fait, en général, le phare au loin, je vois l'écume derrière le phare également. Donc, en fait, quand j'ai peint mon tableau sur Thévenec, j'ai d'abord voulu, pour tous les tableaux que j'ai fait de phare, il y a toujours une précision par rapport au phare. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans les détails, il n'est pas imaginaire, c'est le phare en lui-même, la structure du phare. Et ensuite, tout ce qui est autour est imaginaire, en fait, c'est des vagues telles que je les imagine, les roches telles que je les imagine. Mais pas le phare est toujours dans sa réalité. C'est-à-dire que vous avez peint ce tableau qu'on a sous les yeux à partir de photos ? À partir de photos pour le phare, oui. La roche et le phare. Le 3 mars 2016. Ce matin, je n'ai eu de cesse de chercher à nouveau mon bonnet. Ici, tout prend de l'importance. Outre qu'il m'est utile, je vis sa perte comme une mise en faiblesse face aux éléments. C'est idiot sans doute, mais psychologiquement important. Le 10 mars 2016. J'ai entendu claquer la porte d'entrée toute la nuit, par petits coups répétitifs. Ce n'étaient pas des fantômes, mais les rafales en extérieur. Il est pourtant bien fermé, mais il y a du jeu entre le pen et la serrure et le dormant. Pas grand-chose, mais suffisamment. Je pressentais que les courants d'air seraient ici une vraie question. Pendant la tempête, le phare est assez... On ne voit pas trop, en fait, parce qu'il y a, il y a énormément d'écume, aussi bien autour du phare que derrière. Donc, en fait, on a plutôt un phare très peu dessiné, en fait. On est plus dans le voile du phare que dans le phare en lui-même, quand il y a des tempêtes. Parce qu'en fait, il y a des vagues devant, il y a des vagues derrière, en fait. C'est assez... Donc, on pourrait presque dire que c'est un phare fantomatique. Il disparaît dans la tempête. Il disparaît dans la tempête, oui. Et je lis la légende, le phare maudit. Oui. Pourquoi maudit ? Ben, le phare maudit, c'est en fait c'est la roche qui est en dessous, il y a un trou, et en fait il y a des bruits, dès qu'il y a de la tempête, il y a des bruits qui sont absolument extraordinaires et qui font peur. Donc c'est pour ça que c'était le phare maudit et qui était très difficilement supportable. Déjà, habiter sur un rocher quand il y a de la tempête, c'est très compliqué. Alors quand en plus vous avez des bruits que vous ne savez pas d'où ils viennent, vous imaginez bien que ça doit être, je n'ai pas vécu, mais j'imagine que ça doit être assez difficile à supporter. Mars 2016. Quatre semaines que je suis arrivé. Un mois à Tevennec. Je n'ai rien vu passer, que je suis déjà à la moitié de mon parcours. Demain, c'est Pâques. Il n'y aura pas de cloche ayant pondu dans les buissons. Il n'y a pas de buissons. Mars 2016. Faire la vaisselle sans eau, ou presque, un art que je maîtrise bien. Il faut d'abord bien essuyer au papier tout ce qui est gras. Avec un litre d'eau chaude et presque sans détergent, bio bien sûr, il faut laver dans l'ordre, en commençant par le verre pour finir par la gamelle. Avril 2016. Il y a un four à pain à Tevennec. C'est le seul phare en mer avec cordouan qui en possède un. Je pense qu'il a été construit après ou à la fin du passage de la famille Caméré, installé ici en 1900 pour garder le phare. Il est toujours en état. Sa jolie voûte en briques et sa sole en carreaux n'attendent plus que le boulanger. Seule la pantille qui l'abrite et la cheminée sont à refaire. Du pain à Tevennec, il y en aura un jour. Annonçant la terre, les îles, les brisants, à l'eau de lumière, aux éclats rassurants, colonnes de pierre, face aux éléments, lueurs salutaires des dangers de l'océan, construits au courage sur les lieux sanglants, des terribles naufrages, colère de l'océan. Volonté humaine de bâtir pied à pied ces phares qui préviennent les marins du danger. Créage, île noire, cette île et le pan, la Vierge, pierre noire, écmule la jument, la vieille Armel, le four et Guéréon, fidèle lanterne du pays breton. Vous, est-ce que vous y êtes allé à Tevennec? Oui, j'étais sur Tevennec, bien sûr, j'étais, mais partant relativement calme. Bon, on part en petit zodiaque, en fait, d'un copain, et on est habillé, on a juste évidemment une ceinture de sécurité, enfin voilà, et puis c'est tout, autrement on est en short, il fait beau, bon, c'est l'été, c'est le mois de juillet, ou quelque chose comme ça. Donc, on arrive sur Tevennec, bon, là, il y a déjà des petites déferlantes, enfin bon, c'est quand même assez impressionnant, il y a des roches tout autour, donc voilà, on n'est pas trop rassurés. Et on arrive à débarquer, mais en fait les roches étaient pointues, donc en fait on n'a rien pour s'accrocher, donc il faut sauter pour arriver sur le rocher. Donc déjà ça c'est un peu d'adrénaline pour ne pas tomber. Et une fois qu'on est sur le rocher, ben on a l'impression d'être seul sur une île, quoi. Enfin même pas sur une île, on est sur une roche en fait. Donc on n'a pas l'impression d'une île, on est sur un rocher au milieu de l'eau. Et ça c'est très impressionnant. Enfin moi j'ai trouvé ça très impressionnant. Est-ce que vous avez pris l'échelle? pour monter. Non, nous on est monté côté ouest. Côté ouest. Donc en fait on est arrivé sur les rochers un peu bas et c'était marée basse et en fait on est monté directement sur les rochers. Donc c'est pour ça qu'on n'avait rien pour s'accrocher. Donc il fallait pas perdre d'équilibre quoi. Donc, vous progressez dans les rochers qui glissent un peu. Ouais, vous arrivez par quel côté du phare? On arrive par l'arrière en fait. Et on monte les marches et on arrive donc sur la terrasse. Les légendes, les histoires racontent qu'on entend des bruits qui viendraient peut-être du haut du phare. Est-ce que quand vous êtes monté dans le phare, on n'a pas dormi. Moi, j'ai pas dormi dans le phare. Donc, en fait, je n'ai pas eu de bruit particulier. Il y a pas. On est rentré dans le phare, mais en fait, on était plus sur l'extérieur. En fait, on est rentré dans le phare, on l'a regardé, on a vu que c'était pas en bon état. En fait, on est ressorti, on est resté un moment sur la terrasse à regarder le continent. Et ça, c'était assez. C'est assez impressionnant d'être ce petit rocher avec le continent très loin. En fait, on avait l'impression d'être vraiment seul, loin de tout, quoi. C'était très impressionnant et très envoûtant. avril 2016. Hier soir, tout était en batterie pour être prêt au cas où les bruits recommenceraient. J'avais décidé de les enregistrer, espérant être éveillé à temps. Je n'ai pas eu besoin de veiller tard, car ils se sont manifestés peu après minuit. À minuit et 5 minutes précisément. Prêt à intervenir, je suis monté discrètement dans la tour, sans lanterne cette fois. Le vent soufflait plutôt fort. J'ai mis en marche la vidéo, non pour filmer le noir, mais pour capter l'ambiance sonore et ces fameux bruits. Une ambiance à la Hitchcock. De retour dans ma pièce, j'ai écouté l'enregistrement plusieurs fois. Les coups à l'étage se sont arrêtés quelques minutes après le début de l'enregistrement. Voilà les faits, tout simplement. Je me suis remis à la recherche d'une explication aujourd'hui. J'ai refait le tour de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur. En vain, je n'ai rien trouvé d'anormal. Rien qui puisse concrètement engendrer ce genre de bruit et apporter une réponse. Il y en a forcément une, mais laquelle ? Brigitte Conant autour de Tevenek, ça crée un folklore. La vache, tout le monde connaît la vache, tout le monde connaît l'histoire de la femme qui a mis son mari en conserve. Est-ce que ça ne s'additionne pas pour créer une espèce d'aura comme l'imaginaire que vous mettez dans vos tableaux? Je pense que oui, mais je pense que c'est aussi nécessaire. Parce qu'en fait, c'est quand même. C'était la vie des phares, c'était leur vie. Les phares, ils ont vécu grâce à ces gens-là. Ils sont encore là aujourd'hui grâce à eux. Et si justement on connaît ces histoires et même si on les amplifie, je pense que ça permet de faire vivre les phares aujourd'hui et de leur donner essayer de les sauver pour que justement ils tombent pas en ruine et les uns après les autres, parce qu'en fait si on prend Tevenek, Armen, enfin ce qu'on veut, quand on a 18 ans pour Armen qui n'est pas entretenu et qui risque de disparaître, c'est quand même dommage quoi, c'est quand même des phares. C'est quand même un patrimoine qui est fort, quoi, qui a été très difficile à construire, d'abord, qui a été habité par des gardiens de phare pendant des années et des années, et c'est beau, enfin. C'est beau, c'est une belle construction, c'est. Victimes et otages de la modernisation, fin du gardiennage, automatisation, véritable drame pour leur entretien. Un phare perd son âme quand il perd ses gardiens. Que diraient les mécènes de leur construction en voyant les antennes, oui, communication, verra-t-on bientôt inscrit dans leurs éclats. Manger chez McDo et buvez du coca. Créage, île noire, c'est il et le pan. La vierge, pierre noire, et nulle la jument. La vieille, Armen, le four et Léon. Fidèle lanterne du pays breton. Henri Chevert, qu'est-ce que font les gens de Saint pour Tevenek? À part le regarder là depuis le quai. Bah, rien du tout, qu'est-ce qu'on fera de plus? Pas le rénover? Oui, mais le rénover, mais c'est. L'État devrait prendre aussi ses responsabilités un peu. Ça appartient à l'État. Non, je crois que c'est l'État le premier concerné dans l'histoire. Hein. Moi, je pars de ce principe. Hein. C'est normal. Donc, le phare de Saint, c'est le vôtre. Oui. Mais le phare de Thévenec, c'est le vôtre aussi ou pas? Ah, c'est le nôtre. Bah, c'est le nôtre aussi. Il est plus près de chez nous que de la pointe du Rhum. Hein. Et le pointu, vous en pensez quoi? Marc Pointu. Je trouve. Oh, c'est bon. Moi, j'aurais pas été faire ermite d'abord. Hein. Quand je vois l'état de la baraque. C'est pour la bonne cause? Oui, c'est pour la bonne cause, mais ouais. Mais depuis. Depuis, il a disparu. Perdu corps et bien. Je vous dis comme c'est. Hein. Vous l'aimez pas? C'est pas plus qu'on l'aime pas, mais. Il n'est pas du coin, quoi. Bah, il n'est pas du coin. Hein. Michel Plonec, vous avez été vous-même gardien de phare. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de Marc Pointu de transformer Thévenec en résidence d'artiste? Oh, moi, je dis que c'est très bien, tout ça. Moi, je dis que c'est bien. Vous pensez que les gens vont venir? Oui, les gens tiendront de juin à octobre, ils tiendront. Après, j'en suis moins sûr. Mais ils tiendront combien? Une semaine? Ah, ils feront pas ce que Marc a fait, je ne crois pas. Je crois pas. Je vous dis, c'est pas donné à tout le monde, je pense. Non, je pense. Mon Marc, quand même, il a fait four. Hein. Rester tout seul sur le phare. Et ce que je comprends pas, Marc me l'a dit, il a été critiqué. Hein. On a dit du mal de lui, il dit, oh, ça sert à rien ce que tu as fait, mais si, ça sert à quelque chose. Je sais pas, moi, je trouve, moi qui suis ancien gardien de phare, même si j'ai pas été gardien de phare tout le temps, je sais pas, je trouve que c'est bien ce qu'il a fait. Ils veulent rénover, donc... Ouais, ils veulent rénover le phare. Alors ça aussi, ce qui me sidère, c'est que l'administration des phares, l'État même ne paye pas les réparations qu'il aurait à faire sur les phares en mer. Pourtant, il est classé au patrimoine. Ouais. Il faudrait même refaire tous les phares. Et vous rendez compte qu'on a été obligé de fermer la porte du phare de la vieille, de l'int... Je sais pas si on n'a pas dû la... La murée ou quelque chose, parce qu'il y avait comment dire, des voiliers qui s'étaient arrêtés au phare pour monter, pour essayer d'entrer dans le phare. Je pense, bon, c'est triste quand même. GPS et radar, ces nouvelles navigations, enlèvent-ils au phare leur signification? Quel destin se dessine pour ces phares séculaires, un avenir de ruines ou bien publicitaire, annonçant la terre, les îles les brisant, à l'aube de lumière, aux éclats rassurants, colonnes de pierre face aux éléments, lueurs salutaires des dangers de l'océan. Créage, île noire, c'est qu'il est le vent, la vierge, terre noire, écumule la jument, la vieille Arvel, le four et les néons, les Bretons espèrent pouvoir briller longtemps. 4 avril 2016. La vie de Robinson, pieds nus, cheveux et barbe au vent me plaît tout autant. Mais faut-il que les circonstances matérielles soient dans le ton? Vivre simplement, mais avec peu. C'est même une excellente école d'apprentissage au minimalisme et à la résistance, dont je suis volontiers adepte. Faire tout avec rien, telle est la devise du marin. Avril 2016. Je réalise des bateaux en bouteille depuis que je suis jeune homme. Je voudrais l'achever à Thévenec pour la complétude du geste. J'ai 3 petites semaines, pas si long que cela. Je travaille toujours à l'ancienne, c'est-à-dire avec les moyens du bord. Mettre Thévenec en bouteille, cela signifie tailler dans le bois, le découper, peindre, coller, travailler dans la bouteille avec des instruments et tant d'autres choses. Pour tout cela, je crée donc mes propres outils, comme le faisaient les anciens marins. Hormis le couteau, bien entendu, car un marin sans couteau... Le 17 avril 2016. 50 jours depuis mon arrivée. 2400 000 marins, soit près de 4300 km. Voilà la distance parcourue par l'eau pendant ce temps. Brigitte Conant, quand vous étiez à Tevenec, est-ce que vous avez vu l'allumage des feux ? Non, on est rentré trop tôt. D'abord, il a fallu qu'on rentre parce qu'il a commencé à y avoir des vagues. Et donc, on est monté dans le canot assez rapidement. Et là, on avait des déferlantes qui arrivaient. Donc, c'était. On voyait les vagues qui passent au-dessus des rochers. Et on a commencé à partir. Et en fait, le moteur est tombé en panne. Donc, on s'est retrouvé avec des vagues partout. Là, c'était vraiment un peu impressionnant. Il y avait un grand silence dans le canot. Et puis finalement, le bateau est reparti, et donc on a pu rentrer sans problème après. Tout s'est bien passé. Le 5 mai 2016. Pour clore ce journal, je souhaite faire cette remarque. C'est par le pur des hasards que mon départ prévu le 30 avril a été décalé au 5 mai. Ce qui fait que finalement, je suis resté 69 jours au lieu de 60. Ceci introduit le tout dernier effet Tevenec, 69. Soit 6 plus 9 donne 15, soit 1 plus 5 qui donne 6, toujours 6. Et le 6 est le symbole de la lumière. Marc Pointu, on a réécouté le journal que vous avez tenu pendant 69 jours, il y a 3 ans, quand vous étiez sur Tevenec. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau et où en est votre projet de transformer le phare en résidence d'artiste ? Alors, il y a du nouveau. Pourquoi ? Parce que le problème que nous avions, c'était le transport de tout l'ensemble du matériel, des matériaux, sur le chantier de Tevenec. Parce qu'évidemment, on ne peut pas débarquer un échafaudage, un dos d'homme sur un Zodiac entre deux vagues. Donc il y a tout un échafaudage, il y a tout le matériel, il y a tout ça, c'est lourd, plus les intervenants. Donc c'est-à-dire à peu près au total une dizaine de personnes environ. Donc c'était important de trouver un moyen de transport. Et il n'y en a que deux possibles, si on ne passe pas par un petit Zodiac, c'est soit l'hélicoptère, mais ça coûte une fortune, et autre solution par la mer. Et la mer, ça ne peut être qu'une barge de travaux maritimes, donc un objet flottant important, qui résiste un peu à la houle immédiate, qui se positionne facilement, qui a un bras de déchargement pour mettre les charges sur le rocher, même s'il faudra les monter après, parce qu'évidemment, l'avantage de l'hélicoptère, c'est qu'il monte directement au sommet, mais bon, tant pis. Et donc, voilà. Alors, entre-temps, on a trouvé des aides possible ou probable, mais tout ça n'a eu lieu que dans le courant de l'été, on va dire. Donc évidemment, il était trop tard pour réagir, lancer quoi que ce soit comme aide pendant l'été dernier. Donc c'est en cours, et donc nous avons très bon espoir que ça ait lieu bon, pour la saison prochaine, maintenant. Parce que de toute façon, l'hiver va passer, et on est calé sur la saison prochaine. C'est-à-dire à partir du mai-juin 19. Marc Pointu, concrètement, la barge, si elle arrive, elle va avoir quoi comme matériau ? Et c'est pour faire quoi ? Le toit, c'est quoi la priorité à Tevenec ? Alors, la priorité à Tevenec, c'est au point de vue, d'abord le toit, évidemment. Parce que le toit est fuyard, il humidifie la charpente. Donc voilà, donc le toit, en même temps que le toit, bien sûr, restaurer les points de charpente les plus fragiles. En même temps, bien sûr, parce que tout ça peut se faire en parallèle, la maçonnerie de la terrasse. Comme vous l'avez vu, il y a un certain nombre de failles, de parties en ciment qui manquent, bon, etc. Restaurer aussi la partie pierre de taille, puisque par exemple il manque un pilier à la terrasse, et puis il y a un certain nombre de marches qui mènent au phare, et qui sont manquantes quasiment, donc ça, tout ça doit être restauré, c'est une priorité, d'abord pour mesure de sécurité, parce que l'escalier est un peu quand même particulier, et donc voilà, et en même temps on fera le toit du petit appentis, qui est le long de la terrasse, qui protège le four à pain, quitte à avoir les couvreurs, on fait tout en même temps. Mais votre convention, elle dure jusqu'en 2021, donc il va vous rester deux ans pour concrétiser votre rêve de transformer ce phare avec un nouveau toit en gîte, on pourrait dire, en maison d'hôte, mais pour des artistes. Est-ce que c'est tenable ? Alors, je pense que c'est tenable pour deux raisons. La première, c'est que les travaux suivants, en ce qui concerne l'intérieur, sont des travaux, justement, d'intérieur, donc accessibles un peu à tout le monde. On est dans le possible, après. Le toit, les choses extérieures, sont des professionnels. On peut pas demander des bénévoles de monter sur un toit, de restaurer le toit de Tévenec. Donc ça, c'est une priorité absolue. C'est l'intérieur. Mais en même temps, il y a un effet d'entraînement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde attend, il faut quand même le dire, depuis des années, que ces travaux aient lieu. Quand ils vont avoir lieu, et que la première tranche la plus importante sera faite, il y aura forcément un effet d'entraînement au niveau du mécénat, des gens qui vont dire « Ah ben vous avez fait ça, on peut vous aider pour ça, etc. » Quand tout ça, ça sera fait, on aura un point d'appui sérieux. Marc Pointu, on a partagé une journée et une nuit avec vous en juillet 2018. Vous étiez seul l'année d'avant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues à Tévenec ? Alors, oui, on y était quelques fois, mais pour moi, la période la plus importante, c'est quand on a fait ce séjour avec les jeunes de la donc protection de la jeunesse judiciaire, la PJJ, avec laquelle on a une convention. Ça a été un challenge parce que, normalement, dans ce genre de stage, très spécialisé et particulier, le lieu de séjour ou le passage sont quand même un petit peu organisés, c'est pas évident. Mais heureusement, la direction de la PJJ a fait le pari avec nous que l'environnement fort de Tévenec pouvait apporter une espèce d'électrochoc psychologique, on va dire, ce qui a été le cas. C'est une chose que je défends depuis longtemps, c'est-à-dire que l'environnement, s'il est fort, s'il est très prégnant, peut fonctionner. Ça a été démontré avant moi à travers des embarquements comme le Père Jaouen, etc. Puisqu'on sait bien que le fait de jeter des gens en mer, il y a un moment, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? On est dedans. Donc c'était un peu ça. Alors on est resté qu'une journée, évidemment. Hein. C'était un premier jet, on va dire, une première expérience. Eux-mêmes pensaient pas que les jeunes allaient dû rester plus d'une heure sur place. Hein, parce que au début on était là et ils savaient pas trop quoi faire parce que bon, ils tournaient en rond. Et puis naturellement, ils sont entrés dans les lieux, c'est-à-dire qu'on était en train de nettoyer, bon, ils ont donné un coup de main, ils ont pris un balai, ils étaient partis, c'était leur affaire. Et ça, c'était bien, c'était plutôt positif. Alors, ce sont des petites choses, hein, mais on venait dans les petites choses, là, par les petits signes. Et alors après, le retour d'expérience a été bon, puisque on a signé une convention avec la PJJ maintenant pour multiplier ce genre de stage à Tévenec, enfin dans la mesure du possible, de la sécurité et puis bien sûr de la météo. Mais donc voilà, donc c'est aussi donc un lieu qui peut servir à ça, mais comme tous les lieux isolés, un peu fort. Le dernier mot de votre journal d'il y a 3 ans, c'était le mot lumière. Est-ce que c'est cette lumière-là qui vous a guidé jusqu'à concrétiser quasiment votre rêve ? Ah ben ça c'est certain, oui. Alors la lumière, pour l'instant, je la vois seulement apparaître au niveau de l'horizon, comme quand en mer, il y a un grain très important qui finit par s'arrêter, puis il y a un peu de rayon de soleil qui apparaît sur l'horizon. Mais il faut pouvoir tenir, c'est ça la question. Phare de Tévenec, bientôt une résidence d'artistes avec Marc Pointu, président de la Société Nationale de Sauvegarde des Phares et Balises, Brigitte Conant, artiste peintre installée à Saint, Michel Plouinec, ancien gardien de phare, et Henri Chevert, ancien marin. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomared. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Je vous propose de retourner sur les bancs du collège. Mais c'est une autre histoire.